Nouvelle 19, Consolatrix. Comme on est bête quand on est jeune tout de même. Il est vrai qu'en vieillissant. Mais je m'arrête. Ce correctif n'ayant rien à voir dans l'histoire qui suit. Il y a bien longtemps, comme c'est loin tout ça, j'eus un chagrin d'amour. Ne souriez pas, coude sans cœur. Un vrai chagrin composé de détresse réelle, de colère folle. Sans compter que j'étais vexé comme un dindon. Une petite bonne amie que j'avais, et qui s'appelait Hélène, je crois bien que c'était Hélène qu'elle s'appelait, me quitta pour s'atteler à la destinée d'un Roumain sinistre et ténébreux, lequel étudiait la médecine. Je me suis toujours demandé à quelle heure, par exemple. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi malheureux en n'importe quel laps de ma triste existence. Dans la journée, ma peine était encore supportable. J'allais, je venais, je buvais un peu trop, bref, j'arrivais à m'étourdir tant bien que mal, mais la nuit. Oh, les déchirants retours en la chambre vide, les photographies sur lesquelles on s'hypnotise au point de la voir s'animer, les lettres qu'on relit pour la 1100 000e fois, oh, navrance, oh, funèbrerie. La séance était réglée comme du papier à musique. Aussitôt rentré, aussitôt ma lampe allumée, je m'affalais tel un veau sur mon lit, et je pleurais, tâchant d'étouffer dans les oreillers mes sanglots convulsifs. Au bout de quelques minutes, un peu calmé, j'essuyai mes yeux et me livrai à la longue contemplation de ces portraits, desquels je me trouvais abondamment loti. Sans être joli au sens du mot, Hélène constituait en somme un désirable objet, comme dit le poète Paul Harel. J'aimais ses yeux pas très grands, mais si rigoleurs, avec parfois comme des tendresses. Son petit nez narquois, sa bouche savoureuse et charnue, telle que jamais depuis, je n'en trouvais de semblable. Alors je me disais que tous ces trésors étaient perdus pour moi. Le désespoir étreignait mon cœur, mon pauvre cœur, et en avant pour une deuxième séance de sanglots convulsifs. Un soir, j'en étais là de ce petit travail, lorsque j'entendis à ma porte un petit ratatap. Pour exprimer qu'on frappe pas une porte, les conteurs anglais n'emploient pas l'onomatopée toc-toc, ils disent ratatap. Je ne trouve pas cela ridicule. Un grand bouleversement me chavira à l'être jusque dans les moelles, si c'était elle. Qui est là? Moi, monsieur, fit une douce et menue voix d'enfant. Qui, vous? La petite fille de la dame qui demeure à côté de vous. J'ouvris la porte. Une tête blonde de fillette, adorablement jolie, de 7 ou 8 ans, se montra par l'entrebâillement. « Est-ce que vous êtes malade, monsieur ?»« Moi, pas du tout. Pourquoi ?»« Parce que je vous entends pleurer depuis 1 heure. »« Non, je ne suis pas malade. Je pleure parce que j'ai de la peine. »« Ah ! Mais entre donc, tu vas attraper froid dans ce corridor. C'est ta maman qui t'envoie. »« Oh non, maman n'est pas là. Elle ne va pas rentrer ce soir. » La drôle de petite fille, intelligente, sensible, et pas plus grosse qu'une souris. Elle me fit conter mon histoire, s'y intéressant beaucoup. « Oui, disait-elle, je la connaissais, votre petite dame, avec un petit paletot de loutre, n'est-ce pas, et un chapeau gris où il y avait un oiseau avec ses griffes. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans l'escalier. Oui, c'est celle-là. Elle n'a pourtant pas l'air méchant. Je ne dis pas qu'elle soit méchante, mais elle m'a quitté tout de même. Oh, bah, elle reviendra, vous verrez. » Alors la pauvre gosse, à son tour, me conta son histoire pas très gaie. Sa mère, une servante de brasserie du Darcourt, l'avait fait élever à la campagne, mais les mois de nourrice arrivant à des intervalles par trop fantaisistes, les paysans avaient renvoyé l'enfant qui vivait désormais dans cette chambre d'hôtel voisine de la mienne. Ce soir-là, la mère, qui m'apparut d'une maternité assez peu alarmée, ne devait pas rentrer. Il se faisait tard, j'engageais ma petite amie à aller se coucher. « Oh, j'ai pas très sommeil. »« Ça ne fait rien, va te coucher, d'autant plus que si on te voyait chez moi à cette heure. »« Allons, bonsoir. » Et puis après un petit silence, « C'est-il dommage tout de même que je ne sois pas plus grande. Pourquoi ?»« Parce que je vous consolerai bien, moi. » Pauvre gosse, elle était si gentille en disant cela. Pas dépravée pour un sou, mais d'une nature si aimante. Elle sortit, me laissant rêveur, bougrement. Le lendemain, me sentant incapable d'habiter plus longtemps cette chambre encore parfumée de l'absente, oh la rose, je déménageais. Musset a dit que l'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. Villemer et Delormel ont affirmé qu'on ne meurt pas d'amour, bis. Villemer et Delormel ont raison. Le temps mit bientôt sur mon cœur ulcéré l'arnica de l'oubli. Un clou chasse l'autre, une femme aussi. La semaine dernière, je me trouvais au Havre. Un petit yacht rentrait au port, venant des armées. Ce petit yacht s'appelait le Harensor, et j'en reconnus tout de suite le propriétaire, cet imbécile de Puy-Juteux. Puy-Juteux me présenta sa maîtresse, une exquise blondinette futée et grosse comme deux liards de beurre, mais d'un drôle. Et pendant que Puy-Juteux donnait de son ton le plus loup de mer quelques ordres à son équipage, la blondinette me demanda tranquillement « Eh bien, êtes-vous consolé maintenant ?»« Consolé de quoi ?» Elle me rappela les faits. « Comment, c'était vous la petite fille ?» Et je fis semblant d'avoir encore de la peine pour qu'elle me consolât, maintenant qu'elle est devenue grande, la petite fille.